désolé de déranger, désolé de m'immiscer dans ton nouveau logis, dans ta nouvelle vie. Ça fait 2 ans déjà que tu as dit prends-moi, c'était tes derniers mots, tu es parti trop tôt. Je voulais juste te dire tout ce que je t'ai jamais dit. Je voulais juste l'écrire, juste pousser un cri. Mais je n'ai pas eu le temps. Ces choses de toute façon, chez nous on les dit pas. Chez nous, on les ressent. Ta famille, tu t'en doutes, c'est un peu modifié. Alors si tu m'écoutes, je voulais t'annoncer qu'un gars du même prénom que toi un jour a débarqué. Depuis, illumine la vie de ta frangine. Et pour moi, c'est pareil. Moi aussi, j'ai trouvé mon rayon de soleil. Tu l'aurais adoré. De petits anges des boules, Elvire et Zoé, on a même un retraité. Et on a roule ma boule. Je voulais juste dire tout ce que je t'ai jamais dit. Je voulais juste l'écrire, juste pousser un cri. Mais je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Ces choses de toute façon, chez nous on les dit pas. Chez nous on les ressent. Tout ce qu'on t'a jamais dit, on voulait juste l'écrire, juste pousser un cri. Mais on n'a pas eu le temps, et on peut le dire maintenant. Merci pour ces moments, on t'aime éternellement.